Tout comme Amina. Et donc, dès que la personne va répondre à ton éventuelle question, tu vas dire attends deux secondes, je t'en prends. Puis ah oui, voilà. Donc en fait, je voulais dire attends deux secondes, je t'en prends. Bref, toutes les phrases, t'es obligé de dire attends deux secondes, je t'en prends. D'accord. Ok. Bon. Pas de soucis. Donc c'est attends deux secondes, je te reprends. Hein. Ok. Ouais, bon. Ouais. Très bien. Ou à la limite deux secondes, je te reprends. Oh. Mais il y a pas de attendez, machin, tout ça. On est d'accord. Ok. Parfait. Y a allez, pas hop. De vous m'emmerder, je t'emmerde. Voilà, non, mais c'est normal, c'est pas le même jeu. Voilà. Allez hop, on y va, c'est parti. Et mauvaise chance, puisses-tu perdre pour la 13e fois de suite. Merci, Bajando, Bajando. Et Bajando, Bajando. Ça veut dire quoi, Bajando, d'ailleurs? C'est bon, c'est espagnol, dites-le nous. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, je te rappelais comme prévu. Attends deux secondes, je te reprends. Attends deux secondes, je fais juste un truc en speed. Ouais, du coup, comme on devait se parler... De quoi? Ah, attends, deux secondes, je te reprends. C'est une galère avec ce truc. Attends deux secondes, j'arrive. Allô? Ouais, attends deux secondes, je te reprends. Oui, on avait dit qu'on devait se rappeler. D'un fois, on s'était appelé, tu m'avais dit attends deux secondes, je te reprends, et puis on n'avait pas réussi à se parler du coup. Tu te rappelles? Attends deux secondes, je finis mon truc là. Je crois que j'avais pas le bon numéro. Attends deux secondes, je te reprends. J'avais tout noté, attends. Hop. À qui vous voulez parler? Attends deux secondes, je te reprends. Ouais, on devait discuter, rappelle-toi. Non? Tu m'avais dit attends deux secondes, je te reprends, je reviens, machin. Et puis finalement on n'a pas eu le temps, je t'avais dit ouais t'inquiète, je te rappelle plus tard. Attends deux secondes, j'arrive. J'arrive. Hein. Je fais plein de trucs en même temps, c'est pour ça, je suis un peu occupée. Qu'elle veut parler, attends deux secondes, je te reprends, je suis busy en ce moment, présentement. Oui, à qui vous voulez parler? Attends deux secondes, je te reprends, à toi. Bah toi, moi, c'est qui? Bah toi et moi, enfin moi c'est moi, toi c'est toi, enfin voilà quoi. Attends deux secondes, je te reprends et après je t'explique tout. Mais si, attends, je vais t'expliquer, deux petites secondes, je te reprends. Et après je te raconte tout ça. Alors attends. Ah bah voilà, 1 minute 28, putain, raccroche, je Là, Bajando. Ça veut dire descendre. Chat. Oui, putain, on est con. Bajando, descend. Bon, Alex, t'aurais mieux fait de prendre la première place, parce que là, elle est tombée sur une cliente, elle avait pas envie de raccrocher la meuf, Dans ta face. Bon, Alex. C'est vrai, mais je vais faire mieux. Bah, je te le souhaite. 1 minute 28, Alex. Tu vois, je te souhaite bonne chance. Alex, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule, t'as voulu faire le malin, t'aurais pu avoir la bonne cliente. Voilà. Ah ouais, enfin, après, tu peux pas le savoir, forcément. Bon, Alex. Allez hop, on y va, c'est parti. Je te souhaite bonne chance. Mauvaise chance. Tu gagnes. Vous avez vu comment elle est? Elle n'aime pas les auditeurs. Non, vous voyez comment elle est. Mais attends, à un moment donné, c'est trop. C'est comme si t'étais à... Vous voyez comment elle est. C'est comme si t'étais à moins 500 balles sur ton compte et tu dis ouais, pourquoi tu donnes pas de l'argent aux potes? Enfin, tu vois, c'est pareil, là, je peux plus, là. Je suis à 12 défaites. Bah oui, justement, la 13e, t'aurais eu un bonus. Je suis en hesse, comme on dit. Hello. Oh non, allô, elle a une voix du. Je vais raccrocher. Alex, ça va? Oh non, en plus, il dit Alex. Attends, deux secondes, je te reprends. Vous êtes pas au bon numéro? Non, c'est bon. Attends deux secondes, je te reprends. Oui, vous êtes pas au bon numéro. Oui. Non, mais je te reprends dans deux secondes. J'ai peur que ça ne dure pas encore une minute. C'est long, Mais il faut parler, ma gueule! Bajando. Voilà, elle nous entend pas. Non, mais attends, c'est pas du jeu, là. Qu'est-ce qu'il fout? Moi, j'ai meublé. Ouais. Attends, deux secondes, je te reprends. Après, il doit interrompre la personne, mais la personne ne parle pas non plus, donc. Bah, moi non plus, et j'ai créé la situation. J'ai créé mon œuvre. Non, mais c'est pas une autre tête ou quoi, là? Tu vas gagner comme ça en jouant comme non, franchement, c'est de la merde, je suis désolé, mais l'arbitrage doit sévir. Aïe. Bajando, quoi. Ah oui, mais enfin bon, Bajando. Ah bah voilà. Sinon, Alex, tu savais qu'en fait, il fallait jouer, Oui, mais j'ai joué. Bah oui, mais il fallait lui parler. Attends deux secondes, je te reprends. Ah oui, donc voilà, en fait. Attends deux secondes, je te reprends. Ah bah non, Alex, t'as entendu Amina, elle a pas arrêté. Elle a pas arrêté de parler, là. Putain, du coup, on est obligé de refaire tout le jeu, tout recommence à zéro. Quoi? C'est une blague. Ah, mais moi, je croyais qu'il fallait pas parler, en fait. Ouais, ok, ouais, Bajando, t'as perdu. Laisse tomber. Arrête avec ce Bajando, tu vas pas le mettre à toutes les sauces, là. J'ai pas perdu. C'est juste que j'ai pas compris la logique. Je pensais pas qu'il fallait parler encore. Bah ouais, mais bon, la logique. J'ai pas perdu, mais j'ai pas compris la logique. Non, mais la blague. Ah, je te fais 5 minutes de communication. Ah, bah ouais, mais là c'est raté, il fallait les faire avant, ma gueule. Bon, bah malheureusement, à cause de toi, Mina remonte en une victoire. Bien fait. Je suis en haut de l'affiche, là, à ma place. Désolé, l'équipe. Bon, bah c'est pas grave. Salut, Alex. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Avec plaisir, merci, tu rappelles quand tu veux. À bientôt. Salut, Alex. Bientôt. Ciao. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. À qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous.

Ah, c'est... Allô? Ah, oui. Pas... Oh, c'est une charmante jeune femme. Oh là là, Enzo, je suis contente. Arrête, mémé. Oh, on va le dépuceler, le petit seigneur. Mais tais-toi, mémé. Oh, je suis trop contente. Oh, il parle avec une fille. Il parle avec une... Je vais te faire la moustache, hein, sinon. Calme-toi, je vais te faire la moustache. Hein. Tais-toi. What the fuck? Alors ouais, je te jure, ma grand-mère, elle est relou. Tu sais, elle vient toujours checker un peu ce qui se passe dans le salon, c'est pour ça. C'est une galère. Donc forcément, tu comprends. Qu'est-ce que fait ta grand-mère dans ton salon? Ah ben, ma grand-mère, elle s'occupe de la compta. Tu sais, tout ce qui est compta et tout, c'est celle qui s'occupe de... Oh, putain, c'est un type de merde. Ah, c'est pour ça, c'est une galère. Elle fait la compta, la mamie, quoi. Et toi, ouais. Tu parles pas beaucoup, hein, dis donc, hein. Ouf! Compliqué, hein? Bah, je sais pas, t'as l'air tout excité là. Ah, bah, je suis excité de t'entendre, c'est surtout ça. Eh ouais, moi, on se voit quand? On se voit ce week-end? T'es dispo ce week-end ou pas? Non, mais déjà, on va se calmer. Tu me calcules pas pendant des jours et tu reviens, tu débarques comme ça. Ah, bah, attends, j'étais à Barcelone. Tu sais que ça coûte cher le téléphone, hein? Espagne, Paris, c'est. Non, mais y'a rien, c'est vraiment. Ah, j'ai peur! Rufus! Casse-toi, Rufus! Mamie! Rochien! Mais c'est un sketch! Oh là là! Ah, désolé, j'ai trop peur des liens. Oh. Tu sais, c'est un petit, petit teckel. Tu me fais une blague. Non, je te fais pas. Pourquoi je te ferai une blague? Non, franchement, bon, on se voit ou pas alors? Là, c'est trop. On se voit, franchement, j'ai envie de te voir parce que. J'aime beaucoup ta voix. Pascaline, Kailaline, Lin, Pascaline. Pascaline. Hey, Pascaline. Ah, je rigole avec toi, Pascaline. Bon alors, Pascaline, on se voit ce week-end ou pas? Bah, je sais pas. Ah, tu vois, regarde, je te fais un petit one man show en direct. Franchement, Ouais, je vois ça. Hein. Je suis un petit bout en train, moi. Je peux te dire que tu vas passer une bonne soirée avec moi. Ok? On se voit ce week-end? Qu'est-ce que tu proposes? Bah, un petit café, un petit 5 à 7, et voilà, ça roule, ça glisse. Sur la pente du bonheur. Overbooké, hein. Hein? Non, avec toi, je vais trouver un petit créneau, hein, je peux te le dire. Allez, Pascaline, oui? Mais t'es inquiet, toi, hein? Oui ou non? Dis-moi, allez, oui. C'est terminé. Oh, retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Aïe, aïe, aïe. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaut pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est. Hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh my girl, so sexy, the way she dance, so sexy. So she give me love, sexy, you making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh yeah, take all my money, put down for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we my yade, go, baby girl, so. Tu drop all my money. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Eh, ma bella, eh. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est. Eh, ma bella, eh. Aïe, aïe, aïe, aïe. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur

Là, ça va ou ça va pas? Entre les deux, quoi. Ouais, ça va moyen. Ouais, moyen. D'accord. Ça va, ça a été le week-end? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, il a fait beau, là. Comme d'habitude. Il a fait beau, ce week-end. Ouais. T'es pas sorti? Non. Non. Pas sorti. Ah, j'ai plus de questions, moi, parce que chaque fois que je te pose une question, tu me dis ouais, non. C'est Jean-Michel? Ben oui, c'est Jean-Michel. Tu pensais que c'était qui? Non, tu ne reconnais pas de voix. Tu reconnais pas de voix? Non. Ah, si, c'est Jean-Mi, hein. C'est Jean-Mi. Hein? Hein? Je dis, c'est Jean-Mi. Jean-Michel. Ben oui, Jean-Mi. Tu ne reconnais pas de voix. Non. Oh là là. T'es sourde, hein, maintenant. T'es fin sourde, hein. Ça vient triste, hein. Hein? T'en plus rien, hein. Ouais. Oh, t'es sûr que t'as mis le téléphone dans le bon sens? Ouais. Oui, l'antenne, ouais. C'est pas vers le bas, c'est vers le haut, hein. Le Nicole, fil, c'est pas... Nicole, ça va, Nicole? Nicole, oh non. C'est une connerie que là, vous êtes. Mais Nicole, elle est partie, hein. Nicole, elle est partie. Elle est partie. Ça te fait rire? Vous, ouais, mais si vous êtes pas Jean-Michel, hein. Bah, qui je suis, alors? Je sais pas, mais... Bah, si, c'est Jean-Michel, hein. Oh non, ça qu'on nous pose. Bah, vas-y, pose-moi une question. Ouais. N'importe quoi, vas-y, pose-moi une question, je vais y répondre. Vas-y. Comment s'appelle ma femme? Comment s'appelle ma femme, Nicole? Un garçon, ça va? Un garçon? Ouais. Lequel? Je sais pas. Ah, j'en ai qu'un, peut-être. Non, vous faites, c'est pas Jean-Michel Guiffet. Ah, si, c'est Jean-Michel, elle marie à Nicole. Nicole? Non? C'est pas. C'est pas ma femme, Nicole. Ouais. C'est qui, Nicole? Nicole, bah, c'est une belle-sœur. Ah, c'est une belle-sœur, bah oui. Bah, c'est ma femme! Ouais. Bah alors? Ah merde, j'ai pas de voix. Bah, je dis c'est ma femme, tu me dis non, c'est une belle-sœur. Hé, hey, tu picoles, t'as encore bu toi? Hein? T'as encore picolé, hein? Bah j'en mets tout le monde que je picole, je boque des lios. Tu boques de l'eau, bah attends, je boque des glaçons. Ouais, bah. Hein? Attends, que de l'eau, et pas à moi. C'est une blague que vous faites, non monsieur? Bah si, hein? C'est une blague que vous faites. Bah oui. C'est pas Jean-Michel? Bah hein? Non. Bah, qui c'est alors? Moi, c'est Koé. Hein? Moi, c'est Koé. On est sur Énergie. Oui, Koé. On est sur. Comment ça fait que vous avez téléphoné? Hein? Comment ça fait que vous m'avez téléphoné? Ouais, je comprends pas cette phrase. On est comment sur... ça se fait que tu lui as téléphoné? Ah, d'accord, tu as un décodeur? Oui. On est sur Énergie dans toute la France. Ah ouais? Ouais! Bah, c'est bien. Voilà, bah oui. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Stick around and you'll see what I mean.

Lève pas la voix, lève pas tout, mais lève pas la voix. Là, je veux t'entendre. Comment? Parle bien, je te dis. Lève pas quoi? J'ai pas compris. Je vais te lever ma main dessus, toi, c'est pas possible. J'ai pas compris. Votre massue? Attends. C'est quoi encore? On a pris ton mec, il y a une massue, le gars. Maintenant, elle est mal passée. Votre carte n'est pas passée. Tof, c'est encore un mec interdit bancaire. Merde. Possible. Bon, je vous écoute, dites-moi. Qu'est-ce que t'as mal au cul, tu serres les fesses? Je comprends pas. Vous êtes un ami de Tof, c'est ça? Ouais, pourquoi tu parles comme ça? On dirait que tu t'es mangé des queues dans les narines. Je comprends pas. Manger quoi? Des quenelles avec de la farine? Ah, la quenelle. Tof, encore appelé Uber Eats. Des quenelles, hein, c'est ça. C'est du genre Dieu donné. Bon, dites-moi, je vous en dis. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, c'est quoi? Vous êtes un copain, c'est ça? Lève la voix, je te dis. T'as compris? Lève la voix. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Lève-toi depuis tout à l'heure, je sais pas quoi. Blablabla, falbala. Lève la voix, tout de suite. Lève la voix. Bah, je peux lever. La la la! Ouais, je vais niquer ta grand-mère, t'es mort. Ouais, je vais. Mais écoutez, ma mamie est décédée depuis un moment, mais dites-moi, quel est le problème? Vous avez un enterrement? Je vais te péter le cul, tu fais la faute. Taf, je crois que ton ami a un enterrement qu'il veut organiser, quelque chose du genre. Ah bon? Ça va être tes fumées, pas avec la faute. Quel est l'ennui, dites-moi? J'ai du dedans. Bon, écoute, Taf, je ne sais pas, c'est un cirque, je ne sais pas qui sont ces gens, c'est une catastrophe, reprends-les! T'as le folle, t'as la tourette, t'es bipolaire du cul, j'ai pas d'autre terme, frérot. Oui, allô? Ouais, frérot, ta mère, je l'ai trop secouée, c'est pas possible. Ah oui, c'est pour ça. Je l'ai fait déprimer. Tortue Ninja, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Et je voulais savoir, est-ce que parfois vous êtes déprimé après avoir fait l'amour avec maman? Bah, quand elle met les dents, c'est énervant. Ah oui, c'est ça. Et après, vous êtes déprimé? Voilà. Oh, t'as une voix de faillot, t'as dû en bouffer des culs à l'école, toi. Ah non, jamais, monsieur. Maman, elle veut pas que je fasse ça. Bah, pourtant, elle m'a bouffé les miens hier. Hein. Ah oui, mais peut-être qu'avec vous, elle est d'accord, mais moi, elle veut pas. Ah, elle veut pas? Non. Non, je ne suis pas d'accord pour que tu sortes! Pasteur, là, j'ai déjà dit! Voilà, vous voyez, elle est pas d'accord. Oh, sale pute, je t'ai dit quoi? Lève la voix, je t'avais dit quoi? Lève la voix. Hey, tu vas manger un revers. Tu vas glisser, toi, tu vas manger un revers. Je veux pas, là, je viens, là, il est avec quelques collègues, là, je sors de prison, j'ai les couilles pleines, elles tombent jusqu'aux chevilles. Ah oui? Oh, j'en peux plus, là. Oh, j'ai du mal à marcher. Ah oui, à ce point-là, monsieur? Ouais, je vois. Ah ouais, je penche un peu, tu vois. D'accord. Oh, frérot, elle était comment, maman, hier soir? Si ton ami a des problèmes d'équilibre, donne le numéro du kiné, merde! D'accord, je vais lui dire, maman. Oh, dis à maman qu'elle n'a pas la voix. Comment ça m'énerve, maman, j'ai un revers. La prochaine fois, je la vois, je vais avoir des cicatrices. D'accord. Eh ben, je dis tout ça à maman, monsieur, hein. Bon. Bah, ok, bref. Et après, tu lui dis ça. Merde! Bon, je dois vous laisser, hein, monsieur. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des poutous, hein. Vas-y, frérot, je vais niquer ta mère. Vas-y, au revoir. Allez, bisous, monsieur, au revoir. Pour les fesses de ta mère. Bisous, frérot. Au revoir. Au revoir, frérot. C'est le sang, je t'aime. Moi aussi, bisous. Allez, ta gueule. Eh ben voilà, nouvel ami. Ah bah, très charmant. Très charmant. Très, en plus, très charmant. D'aimer maman, donc. Ah ouais, ouais, complet là. Bon, ben on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros, tant mieux. Envoyez ça sur toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos tête pleine de brume. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur à ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur à ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. La belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Lundi 19 novembre sur Energy. Bonjour tout le monde, bon réveil. On va écouter Lady Gaga dans la playlist Energy. Ouais, avec Bradley Cooper. Petite balade tranquillou pour se réveiller ce matin. Aya Nakamura juste derrière. Et puis le meilleur du Rico Show. C'est à 20h le soir en direct. 20h, 23h, le Rico Show sur Energy. Et le matin, c'est le meilleur de l'émission. Le podcast du Rico Show. 20h, 23h. Sur Energy. Eh oui, les amis, tout est possible dans la vie. Titoine, t'es toujours là, mon Titoine? Toujours là. Titoine, il y a une Wonderbox à gagner autour de toi si on trouve ton âge. Mon Titoine, fais-moi une petite phrase, une dernière, qu'on se fasse bien une idée sur ton âge. Vas-y, mon Titoine. Je me dis que le suspense est à son comble. Tout tourne autour de moi, alors je dis bonne chance à celui qui va gagner. Wow, bravo. Quelle phrase. Bravo, ah ouais, bravo. Quel âge a Titoine? David, ça va, mon David? Ouais, salut l'équipe, bonsoir. Salut, mon poulet. À ton avis, il a quel âge, Titoine? 21 ans. 21 ans. Salut, moi, Alex. À ton avis, il a quel âge, Titoine? Alex n'est plus. Allô, là. Ouais, ça va, moi, Alex? Ça va très bien, il a 34 ans. Il a 34 ans, ah, très bien. Salut, Emad, ça va? Oui, ça va, merci. Ça va, mon poulet? À ton avis, il a quel âge, mon Titoine? Alors, il a 13 ans. 13 ans, très bien. Salut, mon Marc, à ton avis, il a quel âge, Titoine? 22 ans. 22 ans. Salut Mathieu, à ton avis, à quel âge Titouane? À mon avis, il doit avoir 14 ans. Très bien. Eh bien, les amis, je vous annonce qu'une personne entre David, Alex, Emma, Marc et Mathieu a le bon âge. Oh là ! Je vais vous éliminer au fur et à mesure. Mathieu, mon poulet, tu m'as dit 14 ans. Je suis désolé, mon poulet. Il a pas 14 ans, je te fais un petit bisou. Ok, Mathieu ? Salut, poteau. Salut, mon frérot. Bisous. Bisous, Mathieu. Marc ? Ouais. Je suis désolé, il a pas 22 ans, Marc. Aïe. Bien joué. Je te fais des bisous, mon Marco. Next. Tu reviens quand tu veux, on t'aime. Bisous, Marco. Emad ? Oui. Tu m'as dit quel âge ? 13. 13 ans ? Il a pas 13 ans. Alex, tu m'as dit quel âge ? Moi, j'avais dit 13. 34. C'est pas toi, moi, Alex. C'est pas toi. Je suis désolé, moi, Alex. Je te fais plein de bisous. Ok, moi, Alex ? Merci, t'embrasse, je suis désolé, moi, Alex. C'est vrai, t'es là, tu vois, je suis désolé. On va te faire un petit cadeau, moi, Alex. Te raccroche pas, on va lui faire un petit cadeau. David ? Ouais ? Tu m'as dit quel âge ? 21 ans. 21 ans. Il y a soit David, soit Emad qui a la bonne réponse. Il a soit 21 ou 13 ans. Sarah, tu dis ? Moi, j'avais dit depuis le début, 13 ans depuis le début. Sylvain ? Je peux poser une dernière question ou pas ? Non. Mais non. 21. 21, pour toi, JM ? 13. Pourtant, je suis entre les deux. J'avais dit 17, moi. Titouane ? Oui. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans. Mais yeah. Oui, c'est gagné, Emad. T'es content, Emad ? Ah, c'est la bombe. Mais c'est quoi cette voix ? Eh ouais. Eh, Titouane, il a une voix de ouf. Eh, Titouane, mais c'est quoi cette voix ? Ça vient d'où ? Bah, ça vient de. C'est venu comme ça, hein. J'ai pas choisi. Hein. Eh, c'est fort, c'est beau, c'est joli cette voix. Eh, franchement, tu peux mettre des carottes au téléphone. Titouane est absent parce que voilà, il est malade. Fais du téléphone rose, hein. Oh non. T'as, il a 13 ans, il conseille aux gosses de faire du téléphone rose. Il est malade. Mais toi, t'es fou dans ta tête, toi, franchement. Eh, Titouane, tu nous as régalé, je te fais plein de bisous, tu repasses quand tu veux, ok, frérot ? Merci, on va te faire un petit cadeau à toi aussi, mon Titouane. Je t'embrasse. David, on va te faire un cadeau aussi. Je t'embrasse, mon David. Allez, merci, bonne soirée. Salut, bisous, David. Ciao. Et franchement, on va faire un cadeau là. On va offrir des compiles la dernière Energy Music Award là. Ah les amis, moi aussi, je fais un cadeau. Hein, ouais. J'ai dit 13. Eh ben écoute, au revoir, Sarah. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Energy. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Energy. plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bomba. Sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. On va écouter Jane dans la playlist Énergie. Jane qui arrive là juste après le meilleur de Koé. 17h-20h chaque après-midi sur Énergie, voici le meilleur de l'émission. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Votre copine ou votre copain ou votre mari est en train de partir et vous voulez rédiger un message d'amour. Vous voulez faire un truc d'amour, mais vous avez peur d'être gnangnan. Vous avez peur d'écrire un truc qui est un peu limite, en disant est-ce que je dois l'envoyer ? Voici le petit top 5 des messages d'amour qui passent bien. Quel beau visage, quel joli regard, quelle âme pure, tant de splendeur. Mais arrêtons de parler de moi, comment tu vas toi ? Oh non ! Oh non ! Celui-là, vous le validez ou pas ? Ah, ah oui, parce qu'en même temps, il y a un peu d'humour. Il faut toujours rattraper sa chérie avec un peu d'humour. Deuxième, j'ai envie de tout faire avec toi, de sentir la limite de mon corps. J'ai envie que nos cœurs battent de plus en plus fort. Je veux transpirer avec toi et qu'on soit essoufflé. Je veux qu'on aille jusqu'au bout sans s'arrêter. Alors, ça te dit un footing ? J'étais sûr. Tu le sentais ? Ah là là. Troisième, le matin, je ne mange pas parce que je pense à toi. À midi, je ne mange pas parce que je pense à toi. Le soir, je ne mange pas parce que je pense à toi. La nuit, je ne dors pas parce que j'ai faim. On valide. N'hésitez pas, s'il y en a que vous validez pas, vous pouvez me le dire. Avant-dernier, la WWF informe le monde entier de la disparition du dernier babouin d'Afrique en voie d'extinction. Allez, fais pas le con, reviens. Oh non. Non, faut pas l'envoyer, celui-là. Faut pas l'envoyer, non, ça marche pas. Je suis désolé que tu aies eu une mauvaise journée. Je veux juste te rappeler que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Maintenant, prends-toi une bière et viens t'aimer Nibar quand tu seras prêt. Voilà. Non ? Bah, moi aussi, moi. Vous êtes trop difficile. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. You think that I am over you, but I have just better things to do than trying.

profiter du temps qui nous reste à vivre. Et le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Et le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Et le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Ouais, ça pique les yeux, hein. Forcément, c'est lundi. Bon réveil tout le monde, bienvenue sur Énergie, c'est Cédric. Un petit peu plus de 5h, on va écouter Kygo avec Imagine Dragons, Dean Lewis qui arrive aussi dans la playlist Énergie. Alors, on se dans moins de 10 minutes et avant de le retrouver en direct dès 6h. Voici comme chaque matin le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Coucou, c'est Lily Rose. Mon papa, c'est Manu. C'est lui qui m'a appris à dire caca. Sur Énergie. Nous entrons dans le monde de 50 nuances degrés. Un moment que l'une d'entre vous avait amené un jour en nous disant simplement bah, moi, avec mes copines, le week-end, on fait un jeu qui s'appelle 50 nuances degrés où on se pose des questions un peu olé olé et on y répond. Elle voulait le faire à l'antenne et on l'a fait. Ouais. Sandy, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawans. Salut. Salut. Bienvenue sur Énergie. C'est parti pour 50 nuances degrés. Le principe est très simple. Avec Paulette et Isabelle, vous avez discuté entre vous. C'est toi Sandy qui pose les questions et c'est nous qui écoutons. Sandy, première question, on y va. Alors, Isabelle et Paulette, votre compagnon rentre tard du boulot et vous cherchez une jolie tenue sexy pour lui faire plaisir à son retour. Qu'est-ce que vous allez mettre ? Oh, la tenue sexy. Ouais. Alors moi, j'ai une nuisette noire en soie transparente qui a un effet push-up. Et comme en fait j'ai déjà des gros lolos, quand je la mets, mais il devient mais dingue. Dingue. Mais un effet push-up sur tes. Sur ce que t'appelles tes lolos, hein. Ça devient des obus nucléaires quand même. Oui, on peut les appeler comme ça, c'est vrai. J'aime beaucoup ce moment. Ouais. Paulette, une tenue sexy. Oui, je mettrai moi un body en dentelle et je l'attendrai dans le lit en lisant un livre, l'air de rien, tu vois. Bah c'est bien connu, l'air de rien. Ça nous est tous arrivé, hein. On rentre chez nous et là on voit notre copine, l'air de rien, elle lit un livre avec une tenue en dentelle. Ouais, ça. Et elle tient le livre à l'envers. C'est le monde qui a le livre vraiment pas, quoi. Et toi, Sandy, ta tenue pour attendre ton mec qui rentre du boulot ? Ah, moi j'ai une tenue de Mère Noël hyper sexy et bah tu vois là c'est le moment de la porter et bah je t'avoue chaque année elle fait son petit effet. Ah, hein. ah ouais. Écoute, puis en plus l'avantage c'est qu'il connaît déjà le cadeau donc on est bien. 50 nuances degrés, allez, autre question Sandy. À quelle fréquence les filles vous faites-vous plaisir toutes seules ? Alors ça ! Ah ouais, ça Sandy, c'est une vraie question. Parce que ça, on n'aurait pas osé, nous. Hein. Alors franchement, ça fait 8 ans que j'ai envie de la poser cette question. Ah bah tu vois, Manu, il fallait attendre que je passe à l'antenne. Je te confirme, Isabelle. J'y pense, j'ai envie de le faire. Je me couche, je me mets bien à l'aise, tranquille et tout, sous les draps. Et je suis tellement crevée que boum, je m'endors en une seconde. Ah mince. Oh non, non, non. Bah, j'ai la même réaction que vous exactement le lendemain matin. Paulette ? Alors en couple, jamais. J'ai pas jamais du... Ah non, franchement, à chaque fois, j'ai été très satisfaite. Oui, mais tu peux être, je sais pas, un week-end seul, il est parti. Je pense tellement à lui que je m'en fiche. Ok. Et célibataire, je dirais une fois par jour quand même. Quoi ? Une fois par jour ? Mais non. Bah oui. Bah je suis jeune, hein, j'ai la pêche. Hein. Une fois par jour ? Mais c'est beaucoup une fois par jour. Ah bah non, c'est pas beaucoup. Attends, mais quoi. Alors honnêtement, alors là je tombe. Manu, fais pas l'innocent. Bah, non, pour un mec, oui. Ouais. Mais à la limite, et c'est déjà beaucoup. Ouais, mais non, pour une fille, je sais. Alors là. Ah. Oui, mais là je suis célibataire, c'est normal, je m'ennuie un peu. Attends, bouge pas. Ah ouais ? Ah oui ? Ah c'est ça, ouais. Ah non, attends. Alors là, grande classe. Ouais. Alors, parce que comme t'es célibataire, je t'assure que maintenant, tous les matins, quand je vais te voir, je vais plus te regarder de la même façon. Non. Et c'est cool. Et toi, Sandy ? Bah moi, c'est à peu près une fois par semaine. En fait, ça dépend si je vois mon partenaire. Et puis, bah merci les accessoires. Hein. Bah oui, évidemment. Ah, merci, quoi. Ouais. Mais c'est incroyable la différence entre en couple et pas en couple. Vous passez c'est... de tout à de rien à tout, quoi. Ouais. Alors, on aime bien ce moment. Hein. Ah, on adore. Très bien. Allez, encore une petite question. C'est vraiment parce que vous avez envie de vous poser les questions. Ouais. 50 nuances degrés, Sandy, on t'écoute. C'est quoi, les filles, votre atout charme, le petit truc chez vous qui fait craquer un mec ?

and my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget. Sur Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin. Énergie, l'horoscope. Démarre avec les béliers, vous profitez d'un lundi sans nuages. Quant au taureau, vous avancez à pas feutrés sur vos objectifs. Les gémeaux, Mercure et Neptune floutent votre horizon. Les cancers, votre lucidité est un atout. Les lions, aujourd'hui vous avez la bougeotte, attention. Quant aux vierges, mieux vaut adopter une attitude discrète. Les balances, vos rendez-vous marchent bien. Les scorpions, vous comprenez vite et vous agissez vite. Les sagittaires, neige abondante et glissade assurée. Les capricornes, vous êtes bien décidés à atteindre votre but. Les verseaux, nette amélioration en vue. Une aide arrive au bon moment. Les poissons, mieux vaut attendre d'avoir davantage d'infos pour réagir. Voilà, ça c'est pour l'horoscope. Il est dispo sur energie.fr. On sait Drake pour la suite. Angèle avec Romeo Elvis. Et puis le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energie. Bon réveil. J'ai ma tête sur les ascenseurs. Il y a deux ascenseurs à Énergie. Il y a la tête de Manu avec toute son équipe. Et celui de droite, c'est toute mon équipe et moi-même. Je suis très fier, mais quand même, le mien ne fonctionne déjà plus. Alors les gens, ils vont arriver, ils vont dire t'es dans le Coé ou dans le Lévi? Ah, je suis dans le Coé, mais il galère, il avance pas. Prends le Lévi, il va plus vite. Et là, donc les gens, ils arrivent, ils disent ouais, mais le Lévi, il double mon salaire. Donc ils montent dedans. Ils disent ouais, mais Coé, il file 10 000. Ouais, ben, je descendrai avec le Coé. Je vais faire plaisir aux deux. Je monte avec le Lévi, je descends avec le Coé. C'est Coé, c'est-à-dire 17h, c'est sur Énergie. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série 5. Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Énergie, it's music only. Avec Maître Gims en concert. C'est Maître Gims, ma radio, c'est Énergie. Maître Gims est de retour sur scène pour le Fuego Tour. En tournée dans toute la France dès novembre 2018 et au Stade de France le 28 septembre 2019. Infos et réservations, énergie.fr. FuegoTour.com. Et points de vente habituels. Maître Gims en concert. Un événement. Énergie. Can't go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget.

spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être si simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. And now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, yeah, my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Énergie, bonjour tout le monde, j'espère que c'est là ce matin, ce lundi tout à l'heure à 8h30, peut-être que Manu dans 6-9 sur Énergie va vous offrir 10 000 euros, ouais, grâce au son à 10 000 euros, vous restez bien connectés là, chez Manu dans 6-9 sur Énergie. En attendant, on se fait Imagine Dragons, Calvin Harris avec Dua Lipa, Météo dans moins de 10 minutes et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu sur Énergie. Comme chaque matin, voici les infos de Glandu. Il répond aux questions que vous lui posez en envoyant des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Ouais, question pour tous les amoureux du train. Ah, une question voix ferrée. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Moi j'ai une question pour Glandu. Je voulais savoir pourquoi il y a toujours tous ces cailloux sur les voies ferrées. Je sais même comment ça s'appelle. Ah ouais, ah ouais. Parce que j'avais fait, quand j'étais petit à l'école primaire, un exposé sur le train et le TGV. Oh. Et j'avais appris, et je sais même comment on appelle les boulons qu'on met sur les planches en bois. Eh ben, on s'en serait pas douté de ça. Ça s'appelle des rivets. Oui. Wow. Ah ouais. Oui. Alors, je te laisse le dire, déjà on ne dit pas des cailloux. Ah non, ce ne sont pas des cailloux. Exactement, le terme un peu scientifique est... Ça s'appelle du ballast. Et du ballast, exactement. Absolument. Ah, mais bluff là. Hey, il est bon. J'ai appris des trucs, alors de l'école primaire, ouais. Mais j'ai appris des trucs. Est-ce avec que monsieur Bonnera. Très très bien, eh ben on le salue. C'était mon prof en CM2. D'accord. Monsieur Bonnera. Très bien, mais une fois qu'on a rectifié ça, qu'on a dit que ça s'appelait du ballast, est-ce que oui. Tu sais à quoi il sert, ce absolument, ballast? Je me rappelle très bien, le ballast sert à ce que la voie garde son élasticité. Oui, entre autres. Non mais c'est vrai, et que le train ne déraille pas. En fait, il permet exactement qu'il n'y ait pas de déformation due au poids des trains. Exactement. Mais wow. Il a deux autres rôles. Est-ce que tu connais ces deux autres rôles du ballast? C'est M2. Il sert aussi à limiter les vibrations. S'il n'y avait pas le ballast, en fait, ces cailloux, ce lit de cailloux, et bah, tous les immeubles aux centaines de mètres alentour, ils vibreraient. Ah, donc ce serait, voilà. Chiant, quoi. T'as le train qui passe et tu vois les immeubles qui tombent. Ouais. Boum, boum, boum. C'est ça, c'est voilà. Hey, Bernard, t'as oublié le ballast. Ah oui. Et le dernier rôle du ballast, ça limite l'invasion de la faune et de la flore, de la végétation, pardon. Oui. Rien ne peut pousser dessus. Ouais, exactement. Sinon, il y aurait des forêts de bambous sur les rails, ce serait chiant. Ce serait con. Oui. Ouais, effectivement. Pour en passer. Voilà. Et le ballast, il est changé tous les 40 ans. Donc on a le temps. Ah oui. Ouais, on est plutôt tranquille. Bien sûr, évidemment. Voilà, on a fait le tour du ballast. Ah oh, bon, on était bien. On enchaîne avec une question toute mignonne. Bonjour Manu et Léouin. Moi, je m'appelle Alex. J'ai une question. Pourquoi les cordons bleus et sont pas bleus? Ah, sont pas bleus. Ah oui, ça s'appelle un cordon bleu. Oui, mais merci Alex pour cette question. Ah oui. C'est vrai qu'on pourrait mettre des colorants dans les cordons bleus, ce serait rigolo. Ah ben mais oui. Je pense que la vraie question que voulait nous poser Alex, c'est celle-là. Question pour Glandu. Pourquoi le cordon bleu s'appelle le cordon bleu? Mais attends, il y a eu deux questions différentes au hasard sur le cordon bleu. C'est incroyable. C'est complètement le hasard. Les grands esprits se rencontrent. Il y a eu deux questions cette semaine. Parlons du cordon bleu. Sur le cordon bleu. Alors, le cordon bleu, au départ, c'est une recette italienne. C'est des cuisiniers italiens et ils devaient attacher les deux escalopes entre elles pour ensuite la fourrer de fromage, la farcir avec des ingrédients et tout ça. Et comment ils faisaient pour attacher les deux escalopes entre elles? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils l'attachaient avec des cordelettes bleues pour attacher les escalopes. Et pourquoi bleu? Bah parce qu'eux, ils avaient décidé de les mettre bleus. C'est ce qu'ils avaient sous la main, ils avaient de la ficelle bleue. Et du coup, ils se sont servis de ficelle bleue et c'est devenu, du coup, les cordons bleus. Tout simplement. Mais cela dit, les cordons bleus qu'on achète dans le commerce, dans les boîtes en carton, ok, il n'y a plus rien. Mais quand tu vas chez un boucher qui te fait un vrai cordon bleu, et ben c'est. T'as une petite ficelle. Ah, bah ouais. Ah, je savais pas, elle est bleue ou pas? Ah non, elle est blanche. Ah, mince. Ah merde. Ouais, mon boucher, t'es un con. Il va être content. Je déconne. Et on finit avec une question sur des petites bêtes qu'on n'aime pas trop. Moi, je me demandais pourquoi Noé a fait monter un couple de moustiques sur son arche. Parce qu'on est d'accord, les moustiques, ça sert à rien. Allez, bisous tout le monde, bye. C'est vrai qu'il aurait mieux fait de prendre la licorne. Ouais. Non, mais sans déconner, il est là. Bon, il y a de la place, pas pour tout le monde, je suis désolé. À quel moment t'es viseur de boîte de nuit de l'Arche de Noé et tu fais non, pas la licorne, oui, les moustiques. C'est chelou quand même. Alors, moi, je vais pas polémiquer sur l'aspect de Noé, hein, il a fait ce qu'il pouvait, il en a tous ses petits défauts. Je vais plutôt aller sur le côté, à quoi sert le moustique? Parce que c'est ça a une vraie utilité vraiment. Et bah oui, je suis désolé de vous le dire, mais le moustique ne sert pas à rien. Il a un vrai rôle dans l'écosystème. Déjà, il nourrit des insectes, des oiseaux, des chauves-souris, des araignées. Donc quand même, il y a ça. Oui, c'est sympa quand tu lui dis, ta seule utilité, c'est de te faire bouffer. Non, parce que je crois que c'est malgré lui. Hein. Lui, il aimerait bien s'en sortir du moustique, je pense. Mais il fait pas que ça. Il pollinise des fleurs et notamment, il pollinise le cacaoyer. Donc on a du chocolat grâce au moustique. Génial. Et là, on a son petit carré de chocolat. Comme les abeilles avec exactement, les fleurs. Il le fait aussi le moustique. Et il a un autre rôle, c'est un peu triste à dire, mais il participe à réguler les populations humaines puisqu'il tue les humains. Ouais, c'est vrai, avec le paludisme, c'est un des plus grands tueurs d'humains au monde, le moustique. C'est dans le top 3 des. C'est vraiment une très très belle utilité. Glandu, l'avocat d'un tueur. Ouais, en même temps, monsieur, il fait de la place. Il fait de la place sur cette terre, excusez-moi. Ça va pas bien. Je suis désolé, c'est la science qui le dit. C'est pas bien. Et en France, par contre, il a aucune utilité puisqu'il n'y a pas de paludisme en France, donc c'est qu'une nuisance en France. Et si vous voulez pas de moustique, allez en Islande. Il n'y a pas de moustique en Islande. Oui, tu sais quoi? Essaye d'y aller pour voir. Okay. Tu me dis, dans 2 ans, tu me rappelles. Je vais tenter. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.

Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, on écoute Kaiser Panda dans la playlist Énergie. Kaiser Panda derrière, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Il va peut-être doubler votre salaire tout à l'heure, 7h05 et 8h05. Inscrivez-vous énergie.fr. Manu double votre salaire dans 6-9 sur Énergie. Et il se passe ça dans l'émission, écoutez. Manu dans le 6-9. C'est rigolo. Tous les matins sur Énergie. J'ai trouvé sur un forum cette discussion. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Okay. Vous êtes en couple, mais bah, on a tous notre jardin secret. Bah oui, ah. Ok, il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on dit pas, oublie de dire. Des petits mensonges, des petits trucs. Et ben c'est le moment de l'avouer. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Je vous donne quelques exemples. Il ne sait pas que je mets du déodorant entre mes seins. Ils sont gros et ils transpirent. C'est comme avoir une troisième aisselle. Oh oui. Ah mais non. Il vaut mieux ne pas le dire là. C'est une vraie fille qui a mis sur le forum. Hein. Ah ouais. Non mais là effectivement tu veux pas le savoir quoi. Non. Ah mais non, on le veut pas. Ah oui c'est ça. Si elle commence à le dire, arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Il ne sait pas que mon nombre de partenaires avant lui est le triple de ce que je lui ai dit. Ah. Ouais. Le triple c'est beaucoup hein. Ouais. Ça on s'en doute quand même que les filles mentent un petit peu là-dessus, mais on veut pas effectivement savoir. Ça, mais vous doutez aussi que nous on ment. Hein. C'est-à-dire que pour vous il faut multiplier par 3, nous faut diviser. Ouais, c'est ça. Elle ne sait pas que mes cookies maison sont des cookies du supermarché. Oh non, c'est ça va, c'est pas méchant. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Isabelle, il y a quelque chose que ton mec, avec qui tu es depuis maintenant, je vous rappelle, 200 ans. Mais non, ça fait 25 ans. On s'est rencontrés à l'école. Et y a un truc. Il ne sait pas que. C'est pas vrai quand je lui dis qu'il n'y a plus sa petite bière préférée en rayon. Et en fait, c'est parce que je veux qu'il boive de l'eau. Et donc je lui dis, mais je suis désolée, il y a une rupture de stock, il n'y en avait plus. C'est pas vrai. Il se dit pas à un moment que c'est quand même beaucoup de rupture de stock? Bah non, il me croit, tu sais, il a confiance en moi depuis toutes ces années. C'est ça le problème de ton mec. Il a confiance. Aurore, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Qu'est-ce que ton partenaire, ton mec, ne sait pas sur toi? Alors mon copain pense que j'ai connu ma première fois avec lui. Comme c'était la première fois pour lui, j'ai jamais osé lui dire. Waouh. Tu voulais pas lui mettre la pression? C'est ça. Ouais. Faut pas gaffer quoi. C'est un jour dire, ouais mais avec l'ancien on faisait comme ça. Ah oui maintenant. Non mais c'est vrai parce que maintenant t'es obligé, tant que t'es avec lui, de tout le temps mentir. Bah c'est ça. D'accord. Ouais. Ok, Aurore, c'est ça, pas de discussion. Ok, c'est ça. Aurore se sent pas hyper coupable. Hein, Non, du tout. Ça se sent. Il y a d'autres mensonges régulièrement que tu fais avec lui ou... Ah non, c'est le seul. C'est le seul. Mais il est lourd à porter parce que du coup, parce que même tes amis, ou même un ex, imagine un ex, tu croises un ex dans la rue. Ah oui, non, mais j'ai déménagé, donc on d'accord, a tout à fait loin de mon ex, donc c'est bon. Alors Aurore, en fait, elle a construit toute sa vie sur ce mensonge. C'est génial. Merci de nous avoir appelé, Aurore. Qu'est-ce que votre mec, votre copain, votre copine ne sait pas sur vous? Ça peut marcher aussi avec les ex. Paulette? Oui, moi, mon ex, il sait toujours pas que, en fait, le soir, quand il rentrait pour prendre une douche et qu'il n'y avait plus d'eau chaude, c'était parce qu'en fait, j'avais pris un bain super long. Et pas du tout, parce que je lui disais comme ça, oh le cumulus, il est nul, il est tout petit, il marche pas bien. Tu vidais l'eau quoi? Ah je vidais toute l'eau. Et tu le disais pas. Elle est pas un peu écolo normalement, Paulette? Ah si, mais je suis écolo, lui il prend une douche froide. Ah oui, pour les autres. Je suis écolo chez l'autre quoi. C'est voilà. Bah ouais, bah non, ça marche, ça marche aussi. Il y a François sur Twitter qui nous dit, elle ne sait pas que le C tatoué sur mon poignet correspond à la première lettre du prénom de mon ex. Aïe. Oh là là. Oh bah ça va, c'est pas le prénom non plus. Ouais, bah non, mais il faut trouver une excuse à quoi il correspond, le C, tu vois. C'est ça. Bon, non, tu paniques, tu dis. Carotte. Ou carotte. Ouais. C'est bien ça, carotte. Ouais, ça marche. Et après, le plus dur, c'est l'explication après. Mais pourquoi carotte? Romain, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Romain. Qu'est-ce que ta copine ne sait pas sur toi? Alors, moi, ma femme, ce qu'elle sait pas, c'est que la première bague que je lui ai offerte, c'est une bague que j'avais déjà offerte à mon ex. Oh. Alors attends, la question c'est comment ça se fait que tu as encore la bague que t'as offert à ton ex? Bah si tu veux, on s'est séparés, elle m'a gentiment restitué toutes mes affaires, dont cette bague. D'accord. Ah ouais? Oh c'est sympa ça. Ouais, d'avoir rendu la bague. Ouais. Oui. Oh, après on Romain, gâcher, j'espère juste qu'il n'y avait rien de gravé à l'intérieur. S'il y a écrit non, Stéphanie non, et non, Romain. Ah bah si tu récupères la bague avec gravé Stéphanie, t'es obligé derrière de trouver une Stéphanie. Hein. C'est ça. Non, tu me plais beaucoup, mais tu t'appelles Alice. Ça peut pas marcher entre nous. T'en rends compte, la bague, elle vaut 5000 quoi. Merci de nous avoir appelé, Romain. Tout à l'heure, 6h.

elle m'a tout assumé. Vous m'entendez? Ouais, on a eu peur. Eh ben bonjour, excusez-moi, pardon. On était en train de papoter, vraiment. Alors, vous voulez savoir tout? On va vous dire la vérité. Nous discutions du week-end d'Antoine, Antoine qui travaille avec nous et qui est allé dans une ferme ce week-end et qui a été ébahi par un canard. C'est ça, hein, quand oui, même. Hein. Exactement. Voilà, donc il nous racontait son week-end et on était pris là-dedans et c'est vrai qu'on s'est pas rendu compte que l'ajout était en train de se terminer. Et vraiment, c'était génial. Avec cette phrase magique d'Isaac, il lui demande: mais t'as pas eu peur du petit canard? Voilà. Ouais. Donc, vraiment, parce qu'il a fait une story sur Insta, et en fait, oui, il faut savoir que les stories d'Antoine, on les regarde toutes le week-end parce qu'il part tout le temps le week-end dans les fermes, ouais, avec des amis, parce qu'il essaye de se faire la nana qui habite dans la ferme, mais il n'y arrive pas. Manu, c'est abusé. Ouais. Quoi? Mais c'est abusé, tu viens de le dire. Ouais. Ça. Mais c'est, il nous le dit tout le temps, à chaque fois. Je veux sortir avec elle, mais là, je suis passé loin à friendzone et blabla, et du coup, il est en train de pas. Du coup, il passe son week-end à discuter avec les canards. J'ai bien résumé. À peu près, ouais. Bon, bah voilà. Ouais. Mais attends, okay, on va tout faire pour que à un moment, faut que t'arrêtes de passer ton week-end à nourrir les canards, quoi. Ouais. Voilà. Mais on est là, t'inquiète pas, on est avec toi. Bienvenue. Bah oui, bonjour. Soyez les bienvenus, il est 5h56, on démarre comme chaque jour l'émission à 6h, mais avant ça, c'est le club du 555, un club où on discute un peu de tout, des canards, des problèmes, des fermes, des soucis qu'on peut avoir, et aussi de cette bonne blague qu'on a fait à Nico. Ouais, c'est drôle. On va en parler dans 5 minutes. Super, les gars. Au top. C'est quoi, cette semaine, elle démarre très très bien. Ah non. On a une histoire de canard et on a une blague qu'on a faite à Nico. Elle démarre peut-être très bien. Pour je sais pas qui encore. Alors pour moi, les gars. Pas pour moi. Alors, pour Glandu et moi, elle démarre très bien. C'est super. On a fait une petite blague à Nico ce week-end. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Oh, le fou rire. Qu'on va vous raconter juste après les infos de 6h. Franchement, tu sais quoi, je vais faire une capture d'écran du chat que j'ai eu avec Glandu. La réaction de Glandu quand j'ai proposé la blague avec un énorme. C'est pas drôle. C'est pas drôle, ma femme me déteste. Oh, mais non. T'inquiète. Si, elle me déteste. Bon, on vous explique tout dans 5 minutes. Ouais. Avant ça, c'est le club du 555, tu sais quoi? Ouais. C'est un peu pour toi, Nico. C'est vrai? Oui. C'est un minimum. C'est dans le club du 555, un titre d'amour. Tout simplement. C'est gentil. Jasmine Thompson, Mad World. Ah bah ouais, si quelqu'un peut m'aimer au moins. Oh. Bah écoute, laisse-toi aller, ferme les yeux. Merci beaucoup. Sens-toi bien. Ouais. J'avais envie de démarrer la semaine dans la paix et l'amour. Ouais. Dans le calme et la douceur et la sérénité. Mmh. Bon réveil sur Énergie. I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. I'm dying are the best I